Envoie un son mais pas de la dancehall. Je te donnerai ça, moi j'ai sorti le char d'assaut pour piétiner l'accent du Texas. Un bail que je m'exerce mais je rêve pas de Lexus. Je roule en Ford Fiesta, Kesta, mille excuses. Furax, Saga, Barberousse, le flow qui t'excise. Exquise la vibe si je dis que je chie sur la marquise. C'est que ma langue s'aiguise, que l'hexagone mange ma franchise. J'ai le permis de tout briser, de la poste à l'église. Vise, quand je suis blasé, je creuse jusqu'à la terre glaise. J'en sors des mots qui blessent, rend toutes ces personnes qui me déplaisent. En live de la ville rose, au mic à l'aise blaise. Imagine-moi en boxe anglaise, mets-moi dans le sac la Marseillaise. On me dit, quand le morceau joyeux, vu vite quelque chose. Je réponds, ses six frères sont noyés, lui est parti d'une overdose. Les morceaux dansant, je n'ai pas moi, il faut que je vous dise. Avertissez que leurs filles ne calmeront pas mes crises. J'ai vu le jour noir s'installer, débarquer toutes ces valises. La bonne humeur quitter les lieux et jeter sur la falaise. Écris cette lettre par Alice, putain quelle foutaise. Une merde remplie de bêtises, j'écris la mienne pour qu'elle se taise. Tu me verras pas sous tasse, quand ça va pas, j'ai pas les verres de 10. Je laisse la fin au gaz, donne-moi le bac de 12. La colle de pas une bonne dose, mais si les flammes j'attise. C'est avec le diable que je practice quand je suis collé comme une ventouse. Rap Toulouse, Yakuza, pété au jus de raisin. J'accuse quand j'ai le blues. Vidange dans la rivière, j'ai foutu le feu aux gens de rose. Alors l'ange fait une prière, Satan rigole derrière les roseaux. Crâne rasé, c'est en parésie, flaque, j'arrose. Le rap bronze, moi j'arrive pété à la résine. Il est entouré de donzelles, photo pour magazine. Moi j'ai vomi sur le gonzet, j'ai quitté le plateau plus zen. Vodka, kérosène, c'est mon haleine, j'suis en Lausanne. Aux âmes, gars, je viens de ces malades qui trouvent la couche d'ozone. Ouvre-toi ces âmes que je brûle tout à la vue de ces hommes. Plus d'or, plus de pierre, une cave vide et ma voix résonne, résonne. Pour qu'on m'isole, et désolé. Pour pas placer mes frères en tôle que l'État emprisonné. Tous années, lui dit cette justice puis trionné. En France, le riche s'en sortira, l'autre en restera abonné. J'ai le rap anti-pourri, le tragédie en maths pokora. Je classe ça avec Glory et je les tape à coups de capoeira. Pour vous, c'est peu rap, pour moi, c'est pérave. Villebora, ça sent la merde dans le disque d'or, mais la jeunesse adora. Rap à normal, microphone fait pas la morale. Je vous spell dans la chorale, vers la vérole, ça c'est bien mon rôle. Je roule à balle d'alcool, pousse-toi de la marelle. Je te jure que toutes les ruelles ont l'odeur du dégât corporel. J'ai permis B comme bordel, je l'ai pas passé chez Fauvel. Pour les fauves, là une nouvelle, elle fut sur de sa poubelle. Je regarde la France dans les brunettes, je dis t'es pas belle. T'as pas de bol, je creuse ton trou du shit dans la coupelle. Je veux que tous les jeunes fassent la coupole. Mais rien que ça se coupe à coup de scalpel pour un regard dans la cour de l'école. Ça déconne. Mais j'sais bien que tu préfères décoller. Mais plus tard ce sera Toll qui remplacera les heures de colle. J'sais bien que la bonne ambiance est loin ligoté dans la cale. T'as des news, dis-moi lesquelles. Elle reviendra pas, elle coule putain. Ça me la met molle, envie de lâcher le pit sur le téquel. J'ai plus la force, l'envie de prendre cette chaîne depuis telle qu'elle. C'est pour ça que j'me lâche sur le gros mi. A 4 grammes, hey, homie. C'est mes tripes que j'vomis. Et c'est le drame, j'suis construit homie. J'suis dans un idyllique coma, bien seul comme Rémi. Cela ramène l'ami, odeur de la mort comme cela ami. Rien à foutre, j'm'en bats, rien que j'me lamais. J'me malmène, le sky might serait fort de le mal même. Boy se ramène avec son harem, moi je reste allemand. Le mal même se transforme en liquide. J'lavale les blagues, j'ai sale mine. J'suis Steve qui finit le mois, 3 pièces de 5 centimes. Une centaine de soucis qui s'entassent, pèse en moi plus de 100 tonnes. C'est pour ça que j'entonne, un mac à pique, à ça j'me cantonne. Batman comme Kid, on MC blindé presque en titane. En galère, j'irai même foutre mon shit dans ta gitane. Le mot je t'aime loin, moi c'est pour rien. Maintenant j'm'en jette une, un peu d'une et le chétane. Frotte ma gueule sur le bitume, la coutume sur la thune. Cette boîte s'éclate la rétine. Moi j'aurais jamais cru pouvoir tomber dans la routine. Mais j'suis en plein dedans, taf pourri, visite au frérot qui cantine. J'ai plus de ventoline, ce monde n'est pas une comptine. Avant que Zenvi ne fasse trop de peine, j'la forcerai à pomper la pine. Ma grande copine devient un panne sèche en plein looping. J'pratique le doping, donc après le crash j'suis pas en footing. J'aimerais la fortune, mais j'me vois finir dans un camping. Vieux barbe qui est en pis, bloqué comme un phone sans copine. Non non, j'veux pas de ça, mais c'est de la boue qui sort de la fontaine. L'ambiance glaciale me pousse à dormir avec les mitaines. L'hiver vient mortel, gars, viens voir si je te m'étonne. Te réveilleras sur la gueule habituée à dire, putain, tu m'étonnes. Dans ma roulotte claire sans le méthane. La solitude est palpable, pour m'en sortir, j'ai plus la méthode. Hey, personne peut me relever quand je me trépane. Mon cœur se bétonne, j'tends plus la main après la trépane. J'ai envie de rien, même pas ta pompe en gros city. Je préfère le black bombé et c'est regoulo tatane. J'avance à tâton, pas à quatre pattes comme je John Elton. Et le jour du téléthon, je me mets dans le mur comme Zena Ayrton. Moi je vois en noir et blanc, pas de couleur façon Benetton. Pas qu'en est-on, juste type qui fait ses courses chez Netto. Tu verras celle qui se lève tôt, qui sort pas sa carte de sa vie. quittons. Et la caissière fait vite, ce patron lui dit vite, vite, limite. J'entends le soir, mon corps me dira arrêtons. A titubé dans le noir, un jour on se mangera le raton. J'suis comme ce combattant qui tend à l'adversaire un bâton. Qui veut pas qu'on arrive, t'approche la tempe, attends le carton. J'me parle à moi-même et j'me dis pardon. Vas-y, prends n'importe quel temps, mais j'sais bien que ce sera même partout. Problème si on est là, se trouve dans mon sac de Babdou. Faut que j'abdou, seuls les bons souvenirs seront des atouts. J'ai pas la foi, j'aimerais y croire contre ce gâteau. J'aimerais ne pas écrire que la religion n'apporte pas de gâteau. Mais rien que je loupe la réception de mes tripes saltos. Au seul tout, mais t'as piqué sous le coude, vas-y remballe tout. Ne crois pas que c'est tout, j'suis venu vider mon sac. 7 jours sur 7, 7 un track, moi j'l'attaque. On a vu de plaque, j'toc, quand t'as les tanker, là est ta mac. Avant pas celle te dit qu'on mourra. T'encaisse, c'est tout mec, là c'est. Avec la boisson, j'me suis passé. J'ai invité la place, personne d'autre t'a reçu le vaccin. Ma tête, c'est le boisson. Mais quand même, j'irai être relaxé au maximum. Mais j'sais, j'pourrais tomber encore plus dans l'excès. T'as pas eu la pancarte du chien méchant, indépressif. Dans l'entre du péché, la signe off danse avec les esprits. La tequila baffe, fais fuir la chose, c'est belle, ça fait le s'esquive. Car à son boulot, l'homicide, trop abusif. Dès que t'es assis, si chante comme ça, c'est que la vie est inscrite. J'ai pour la gale et au tasson. Reste pancarte dans le récit, j'fais pas le mesquine. Te joue pas de pipo, j'suis juste précis. À qui dois-je remercier pour nous tes fois et le paradis. Monsieur Messi, donne tout ici, donne tout tes sous. Moi, ta life est pas la mienne, si tapez à coups tes sons. Vas-y, mettre ça dessous pour une paix qui rend poussue. Va voir ce que ça fait de bosser pour que dalle ou un peu au-dessus. Ne crois-tu pas qu'il soit normal que l'on soit déçu. Regarde les prix en bas, mon compte pour en bas, on s'est dessus. On a foutu à ma de mon plexus. Et garçon, ne s'en mêle pas le fight, c'est moi versus mon whisky glaçon. Je braille la porte ouverte, les deux pieds sur le paillasson. Si je vous laisse la vie de palace, dans l'asso. Et les VIP viennent ça sur terrasse, le basso. Je te laisse des 26 caisses et des canassons. Tu se poisson dans un bocal et retiens la leçon. Pour l'instant, je fais des bulles, mais pour sortir, j'attendrai l'hameçon. Flaçon, quand tu mesures le blason, c'est ma misère en crampon qui vient retourner ton beau gazon. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Raconte une misère parmi tant d'autres, mais un bien pire ailleurs. D'autres, s'ils avaient ma chance, auraient pris 12 ans, et j'attire ailleurs. J'place ça pour toi, c'est un contestage. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. 36 mesures pour une misère, pas pour misère, pas t'as des lieux. FR Raids 2006, t'as des lieux. Merde, pas pour nous, K-pop, Plaisance, 31 830 Toulouse, K-O-P, Zanza, Micro 7.